Chopin, La plainte du bois. Dans l'âtre flamboyant, le feu siffle et détonne, et le vieux bois gémit d'une voix monotone. Il dit qu'il était né pour vivre dans l'air pur, pour se nourrir de terre et s'abreuver d'azur, pour grandir lentement et pousser chaque année plus haut, toujours plus haut, sa tête couronnée, pour parfumer avril de ses grappes de fleurs, pour abriter les nids et les oiseaux siffleurs, pour jeter dans le vent mille chansons joyeuses, pour vêtir tour à tour ses robes merveilleuses, son manteau de printemps de fins bourgeons couverts, et la pourpre en automne, et l'hermine en hiver. Il dit que l'homme est dur, avare et sans entrailles, d'avoir à coups de hache et par d'âpres entailles tué l'arbre, car l'arbre est un être vivant. Il dit comme il fut bon pour l'homme bien souvent, qu'à nos jeunes amours et nos baisers sans nombre, il a prêté l'alcôve obscure de son ombre, qu'il nous couvrait le jour de ses frais parasols, et nous berçait la nuit au chant des rossignols, et qu'ingrat, oubliant notre amour, notre enfance, nous coupons sans pitié le géant sans défense. Et dans l'âtre embrasié le bois geint et se tord. Ô bois, tu n'es pas sage et tu te plains à tort. Nos mains en te coupant ne sont pas assassines. Enchaînée, subissant l'entrave des racines, tu végétais au même endroit, sans mouvement, et conjointe à la terre inséparablement. Toi qui veux être libre et qui proclame l'arbre vivant, tu demeurais planté là comme un marbre, captif en ton écorce ainsi qu'en un réseau, et tu ne devinais les sorts que par l'oiseau. Nous t'avons délivré du sol où tu te rives, et te voilà flottant sur l'eau, voyant des rives, avec leurs bateliers, leurs maisons, leurs chevaux. Oh, les cieux différents, les horizons nouveaux, que de biens inconnus tu vas enfin connaître, quel souffle d'aventure étrange te pénètre. Mais tout cela n'est rien, car tu rampes encore, qu'on le fende et le brûle, et qu'il prenne l'essor, et le feu furieux te dévore la fibre. Ah, tu vis maintenant, tu vis, te voilà libre, plus haut que les parfums printaniers de tes fleurs, plus haut que les chansons de tes oiseaux siffleurs, plus haut que tes soupirs, plus haut que mes paroles. Dans la nue et l'espace infini, tu t'envoles, vers ces roses vapeurs où le soleil du soir s'éteint comme une braise au fond d'un encensoir, vers ce firmament bleu dont la gloire allumée absorbe avec amour ton âme de fumée, vers ce mystérieux et sublime lointain où viendra s'éveiller demain le frais matin, où luiront cette nuit les splendeurs sidérales. Monte, monte toujours, déroule tes spirales, monte, évanouis-toi, fuis, disparais. Voici que ton dernier flocon flotte seul, aminci, et se fond, se dissout, s'en va. Tu perds ton être. Aucun œil à présent ne peut te reconnaître. Et toi qui regrettais le grand ciel et l'air pur, ô vieux bois, tu deviens un morceau de l'azur. »